je sors de ma bulle. Je crois que c'est l'heure. Tout va bien. Alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais je vais bien. Alhamdoulilah. Je pousse au soleil comme une fleur de lilas. J'ai perdu des proches, donc un alili. Tempé sous le coussin, car moi je vais m'en tirer. Si toi t'hésites, pas moi je tirerai. Maintenant c'est fini, faut qu'on en finisse. On a fait du mal, je sais qu'un jour poteau on sera puni. Le mal nous guette, pourquoi tu respectes? On veut te reposer pépère avec le poche en pied de pépette. Je suis pas un ange, mais tu kiffes mon sourire d'enfer. Tu n'es pas une déesse, mais maman chérie, ton cœur, je veux le faire couiller. Moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien. On se tue pour des pétasses, on meurt pour des pesos. Je suis seul à bord de mon vaisseau, c'est tout à fait normal que je sois en pétard. Moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien, moi je fais bien. D'autres nous trahissent par la suite. Devient des païens, des corps d'enfants cachés dans la païen. Voilà pourquoi dans ma tête j'ai la pagaille. Pas camarade, pas cueilli. Paradis où il fait l'eau. C'est ça qui me rend fêlé. Tu veux me faire du mal, vas-y fêle. Je vais bien, il attend que je pourrisse. Je vais bien, il attend que je périsse. Je vais bien, donc je veux prendre des risques. Je vais bien, dans ma peur je les prise. A chaque fois je rebondis. Fini les banques et des bandits. Papa, maman, grande sœur, allez leur dire que j'ai grandi. La haine, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Les frères au hubs, ça j'ai connu. La misère, ça j'ai connu. Je sors de ma bulle, je crois que c'est l'heure. Tout va bien, alhamdoulilah. Certains m'ont déçu, d'autres m'ont blessé, mais je vais bien, alhamdoulilah. Moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien, moi je vais bien. Moi,